Section 66 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 15, deuxième partie, la Moscovie sous la domination mongole, par Ernest Denis. L'histoire de la Moscovie du XIIIe au XVe siècle présente un contraste frappant avec celle de la Pologne. Ici, les figures héroïques sont rares. Les conquêtes difficiles et lentes. C'est une triste et longue enfance, traversée par des crises terribles, dont le souvenir ne s'effacera jamais, laissant comme un arrière-goût d'amertume aux victoires futures. Pénible école, salutaire après tout, où se forme un des organismes les plus résistants que connaisse l'Europe. L'invasion mongole avait achevé l'œuvre de dissolution depuis longtemps commencée. De la Russie primitive, plus rien ne subsistait. Les débris même semblent alors avoir disparu. Les porte-glaives, maîtres pour longtemps incontestés des provinces de la Baltique, les peuples de colons étrangers. Les Ruthènes et les Russes occidentaux demandent à la Lituanie une protection contre leur propre division et l'oppression asiatique. Entraînés par elle dans une union étroite avec la Pologne, ils échappent de très bonne heure à l'influence tatare et éprouvent les effets bienfaisants, bien qu'indirects, de la civilisation occidentale. Pendant plusieurs siècles, ils vivent d'une vie presque absolument distincte, soumise à des conditions religieuses et politiques complètement opposées à celles qui agissent sur leurs frères orientaux. Les classes supérieures acceptent les mœurs et souvent les croyances de la noblesse polonaise pour en mériter les privilèges. Les habitudes de liberté anarchique, déjà endémiques dans l'ancienne Russie kiévienne, s'aggravent et se propagent. Les divisions ethnographiques et linguistiques que dissimulait mal l'union sous les grands princes se marquent plus nettement. Fiers de leur progrès, de leur esprit plus aventureux et plus libre, de leur intelligence plus ouverte et plus éveillée, les Ruthènes ne se résigneront pas sans peine à accepter contre le catholicisme et la noblesse polonaise la protection des grands Russes. La partie de la Russie qui échappa à la Lituanie ne comprenait guère qu'une faible partie du bassin du Volga, c'est-à-dire les territoires de colonisation récente. En laissant de côté les républiques de Pskov et de Novgorod, dont la décadence était déjà commencée, et la principauté de Smolensk, qui, trop rapprochée de la Lituanie, finit à son tour par tomber sous la domination des grands princes de Vilna, cette Russie se réduisait à la principauté de Riazan, dont le rôle fut secondaire, et à celle de Souzdali, de Tver et de Moscou. Le premier rôle appartenait alors à la Souzdali, sur le moyen Volga et la basse Oka. Son territoire, médiocrement peuplé, était assez étendu. Elle avait des villes importantes, Souzdal, Nijni Novgorod, Vladimir sur la Kliasma, surtout, et la suzeraine de la Russie entière. La principauté de Tver, sur le haut Volga, moins vaste, mais avec une population plus dense, occupait, entre Novgorod et la Russie orientale, une situation avantageuse. Au milieu, Moscou, resserrée au nord par Tver, à l'est par la Souzdali, au sud par Riazan, étouffait presque, entre ses puissants voisins, comme la petite France des Capétiens entre les redoutables États de Normandie-Angleterre, de Flandre et de Champagne, à Rambaud, histoire de la Russie. C'est à elle pourtant qu'appartenait l'avenir. Deux causes principales assurèrent à ces princes une fortune que rien à cette époque ne permettait de présager. D'abord, les qualités supérieures de sa dynastie. Elle apporta à la poursuite de ses plans une persévérance qui ne se démentit guère pendant des siècles et une volonté aussi prudente qu'entêtée. Puis, l'appui des camps de la Horde d'Or. L'invasion des Mongols fut pour les princes de Moscou une sorte d'affranchissement. Ce fut, suivant la comparaison d'un historien, un événement analogue à la disparition de l'empire de Charlemagne. Elle déblaya le terrain, supprima des souvenirs qui condamnaient les souverains de Moscou à une irrémédiable vassalité, Sur les territoires nouvellement conquis, une race nouvelle était née, sortie des conditions mêmes de la colonisation et du mélange avec les tribus finnoises, rebelles aux fantaisies, très conservatrices, profondément attachées à ses traditions et à ses croyances. L'empressement des princes de Smolensk, de Tchernigov et de Kiev à se rapprocher de l'Occident lui parut suspect. Un instinct très perspicace l'éloigna de ces demi-renégats dont les tendances anarchiques risquaient d'éterniser le joug étranger et dont l'imprudente confiance menaçait l'individualité nationale et religieuse du peuple. Ils réservèrent leur affection pour les chefs qui partageaient leurs préjugés et leurs souffrances. L'autorité souveraine avait toujours été plus solide et moins limitée dans cette nouvelle Russie de l'Est. Les assemblées populaires y étaient moins audacieuses, la noblesse plus soumise. La domination tatare favorisa encore le développement du pouvoir monarchique. Les vainqueurs vivaient isolés dans leur camp, ne se mêlant point aux indigènes. Ils n'ont eu aucune action sur la formation ethnographique de la Russie, et ils laissèrent aux vaincus leurs coutumes et leur administration. Leur joug s'étendait sur tous les habitants. Comme les paysans, les membres de la drujina du prince et les boyards furent soumis à l'impôt, durent courber la tête devant les baskaks et les ambassadeurs du camp. À cette rude école, les instincts de révolte s'effacèrent vite. Les circonstances ne permirent pas à la féodalité de se dégager de la drujina qui la renfermait en germe. Les boyards ne parviendront même jamais à s'assurer la propriété complète de leur domaine. Il leur manquera toujours le point d'appui des aristocraties féodales de l'Occident, une base dans le sol. Les boyards ne sont que les serviteurs du prince, dont ils reçoivent non seulement leur puissance, mais leurs richesses et leurs honneurs. De même qu'il n'y a dans le ciel qu'un soleil, de même il ne doit y avoir sur la terre qu'un seul souverain. C'est la doctrine que les camps enseignent aux futurs tsars. Il complète sur ce point l'éducation que la Russie avait déjà reçue de Byzance. Les camps laissaient à leurs vassaux une indépendance assez large, mais à condition de n'avoir à redouter aucune tentative d'insubordination. Les princes de Tver et de Souzdali, malgré leur bonne volonté de soumission, s'oubliaient quelquefois et il arrivait à leur ambition de relever la tête. Les Mongols, d'ailleurs, les jugeaient trop puissants. Ils avaient plus de confiance dans les seigneurs de Moscou, dont la faiblesse les rassurait et dont la complaisance était imperturbable. Ils en firent leurs agents, les chargèrent de percevoir le tribut qu'ils réclamaient, d'abord sur leurs sujets immédiats, puis sur les États voisins. Ce rôle d'instrument de l'étranger que sollicitèrent les princes moscovites impliquait beaucoup de souplesse, peu de scrupules et une complète absence de respect humain. Quelques historiens leur en ont gardé rancune, et il est incontestable que cette art primitive explique bien des tristesses de l'histoire russe. L'excuse des princes de Moscou, c'est qu'ils obéissaient à une nécessité inéluctable. Leur habileté consista à accepter sans arrière-pensée les fatalités de la situation et à en tirer tous les bénéfices qu'elle contenait. Les Tatars leur donnèrent tout ce qui leur manquait et tout ce qu'ils pouvaient ambitionner, des fonctionnaires obéissants et même serviles, une armée, des finances, un trésor, les moyens de terroriser leur noblesse, leur clergé et leur peuple. La force de réduire à l'impuissance ceux des princes russes qui étaient leurs égaux et à la servitude ceux qui étaient leurs inférieurs. Rambaud. De l'argent qu'ils levaient pour la horde, tout n'allait pas à Saraï. Leur trésor était toujours plein. Double avantage en face de voisins besogneux et de suzerains près desquels les raisons sonnantes étaient irrésistibles. Agents officiels de la horde, ils dénonçaient aux Tatars comme des rebelles tous ceux dont leur ambition désirait la ruine. Quand une principauté devenait vacante, comme le camp s'était réservé d'investir le nouveau titulaire par Iarlik ou lettre patente, qui pouvait-il bien gratifier de ce bien son maître, sinon son fidèle serviteur, le prince de Moscou? Cette situation privilégiée attira très rapidement auprès d'eux tous ceux qui flairaient les occasions de profit. La population en Russie a toujours été comme fluide et peu adhérente au sol. Les boyards abandonnèrent leurs anciens maîtres, entraînant avec eux leurs serviteurs et leurs soldats, et la puissance militaire des princes secondaires coula, en quelque sorte, vers Moscou. Il se forma là une noblesse très dépendante, mais qui, sans autre espérance que la fortune des souverains autour desquels elle s'était groupée, encouragea leurs efforts et quelquefois suppléa à leur défaillance. De son côté, le peuple, peu travaillé par l'imagination, de sens très rassis, s'attacha par instinct et par intérêt à une dynastie en qui s'incarnaient ses qualités maîtresses et dont la politique favorisait le progrès économique du pays. Le clergé orthodoxe, ménagé par les Mongols, mit son influence toute-puissante au service d'une maison dont il connaissait la fidélité et dont il recevait sans cesse les bienfaits. Le dévouement absolu de toutes les classes de la société pouvait seul permettre aux princes de Moscou de résister aux périls multiples que provoquèrent leurs succès. La situation centrale qu'ils occupaient au milieu de leurs ennemis facilita leur victoire. De chacune des crises, ils sortirent plus puissants, plus rapprochés du but qu'ils avaient entrevu. Aucune race ne fut moins impatiente, ne fit moins de guerre de magnificence. Très ménagés de leurs forces et très obstinés, conquérants et non-batailleurs, ils s'étendirent par achat, par don, par usurpation. L'histoire les a nommés les rassembleurs de la terre russe. Le travail fut rude et les résultats tardifs. Jusqu'à l'avènement d'Ivan III, les conquêtes sont lentes. Le succès est incertain. C'est une période de préparation. Les premiers princes moscovites sont les ouvriers patients d'une œuvre dont la réalisation semble fuir devant eux. Ils n'en sont pas moins les fondateurs de la grandeur future, les créateurs de la Russie. Les origines de la Moscovie, luttée avec Tver. À son plus jeune fils, Daniel, Alexandre Nevski avait donné Moscou, médiocre bourgade dont dépendaient quelques pauvres villages. Daniel, 1263-1303, hérita de Perislav Zalieski, une des plus anciennes et des plus importantes cités de la Russie du Nord, et s'empara de Kolomna, au confluent de la Moskva et de l'Oka. Son fils, Georges Danilovitch, 1303-1325, occupa Moujaïsk, vers les sources de la Moskva, qui se trouva ainsi désormais presque tout entière comprise dans ses domaines. Georges se crut dès lors assez fort pour disputer à Michel de Tver le titre de grand prince. Les règles qui, à l'origine, présidaient à la transmission de la dignité de grand prince, formal observé depuis longtemps, était complètement tombée en désuétude depuis l'invasion mongole. Cette dignité dépendait uniquement de la volonté du khan, sans que ses décisions fussent toujours déterminées par les conditions d'ancienneté qui étaient jadis exigées. De plus, elle n'était plus, comme autrefois, nécessairement attachée à une ville. Elle devenait personnelle. La possession en était d'autant plus recherchée que la domination mongole lui avait restitué quelque autorité et qu'en consacrant la suzeraineté de la dynastie qui réussissait à s'en emparer, elle la désignait en même temps à la succession du khan. Or, divers symptômes annonçaient la décadence prochaine de la horde qui, encore assez forte pour se préparer des héritiers, ne semblait pas devoir leur imposer une trop longue attente. Contre les princes de Tver, qui avaient pour eux la tradition, Georges et Ivan Kalita, frère de Georges et qui lui succéda, s'appuyèrent sur les Tatars. À force de dénonciations et d'intrigues, ils se débarrassèrent de leurs adversaires, dont plusieurs furent exécutés à Saraï. Le territoire de Tver fut horriblement ravagé, et après une lutte qui avait duré un quart de siècle, les Moscovites imposèrent à leurs rivaux leur suprématie et la reconnaissance de leur titre de grand prince. Sous Ivan Kalita, 1328-1341, surtout, les progrès sont rapides. Confie en dévotion, son aumônière toujours à la main, de là vient son nom de Kalita, mais âpre au gain, très humble devant les Tatars et impitoyable pour ses adversaires, satisfaisant sa conscience par ses prières et ses fondations pieuses, il devient le grand percepteur d'impôts de la horde, et la bourse bien garnie, il s'agrandit et étend son influence. Prince de Moscou et grand prince de Vladimir, il achète Ouglitch, Kalitch de Souzdali, Bielozersk, impose son autorité à Pskov, menace Novgorod, qui cherche une protection contre ses empiétements dans une alliance compromettante avec la Lituanie. La Moscovie, qui, un demi-siècle plus tôt, ne comprenait qu'environ 150 kilomètres du nord au sud et 50 de l'est à l'ouest, a un territoire 6 fois plus étendu. La domination de ces princes, bornée d'abord à une partie du bassin de la Moskva, s'étend successivement sur l'Oka, puis sur la Sna et la Moksha. Suzerain de Vladimir et de Rostov, il pénètre dans le bassin de la Kliasma et du Volga. L'alliance tatare met le pays à l'abri de leurs exactions. Les impies n'attaquent plus la terre russe, dit le chroniqueur. Ils ont cessé de tuer les chrétiens, et ceux-ci peuvent se relever de leurs grandes souffrances et de leurs cruels malheurs. La population augmente, l'empire du Kiptchak, qui arrive à ce moment à son apogée avec Ouzbek, et qui s'étend de la Crimée à l'Altaï et de l'Oxus au Dniepr, est ouvert au commerce russe. Des étrangers arrivent, attirés par la perspective de gros profits, puis s'établissent à demeure. Les uns viennent de la Horde, d'autres de Danemark, d'Angleterre, ou même d'Italie et de France. Quelques-unes des plus illustres familles russes se rattachent à ces immigrants. Vladimir reste encore la capitale nominale, mais Moscou est la résidence ordinaire des grands princes et le centre de la vie politique. Elle est déjà la capitale religieuse. Saint-Pierre et Saint-Serge. Les métropolites, bien qu'ils portassent toujours le titre de métropolite de Kiev, prenaient de plus en plus l'habitude de vivre dans la nouvelle Russie. L'un d'eux, Pierre, fit un voyage à la Horde et obtint d'Ouzbek le célèbre document qui exemptait de toute redevance les prêtres orthodoxes, leurs familles et leurs domaines. À la cour du camp, il rencontra Ivan Kalita, qui le ramena à Moscou. Il ne s'en éloigna plus guère et son successeur s'y établit définitivement. Où aurait-il rencontré des princes plus généreux, plus dévoués à la foi orthodoxe? Grâce à leur libéralité, la ville se parait de magnifiques églises. Saint-Michel-Archange, qui fut jusqu'à Pierre le Grand le lieu de sépulture des tsars, le sauveur des pins, qui subsiste encore aujourd'hui, l'église de l'Assomption surtout, qui devint à Moscou ce qu'avait été longtemps à Vladimir l'église Notre-Dame, fondée par André Bogolyubski, le sanctuaire vénéré de l'orthodoxie russe. « Dieu te bénira, avait dit Pierre à Ivan, en consacrant l'église, et te donnera la puissance sur tous les autres princes. Il élèvera cette ville au-dessus des autres, et ta race posera ses mains sur les épaules de ses ennemis. » Les métropolites confondirent leur cause avec celle des princes qui les protégeaient et mirent à leur service toute leur influence. Les métropolites représentaient la hiérarchie, mais, à côté de l'église officielle, les ermites et les moines conservaient sur le peuple une autorité morale plus profonde encore. Les grands princes surent aussi se les attacher. L'œuvre de colonisation d'où était sortie la Souzdali avait été à peine ininterrompue par la tempête asiatique. Les ermites en étaient les pionniers. Ils s'engageaient dans des contrées incultes et désertes. Bientôt, le bruit de leur piété attirait des fidèles. Un cloître naissait. Autour de ces murailles, des paysans s'établissaient. Un marché s'ouvrait. Beaucoup de villes russes n'ont pas eu d'autre origine. Protégées dans leur domaine par la piété des princes russes et la tolérance des Tatars, enrichies par le malheur des temps qui développaient le mysticisme religieux, et par la peste noire qui fit dans le pays pendant tout le XIVe siècle des ravages épouvantables et poussa au cloître des milliers de fidèles, les moines commencent et préparent dès lors la prise de possession du bassin du Volga et des plaines marécageuses de la mer Blanche. Les fondateurs des monastères meurent en odeur de sainteté, beaucoup sont canonisés, les pèlerins affluent à leurs tombeaux. Kiev avait dû une partie de son hégémonie morale à ses saintes catacombes, Moscou à ses sanctuaires. Saint-Serge, le type de ses ascètes colonisateurs, fonde le couvent de Troïtsa, la Trinité, l'un des plus opulents et des plus célèbres de la Russie. Après sa mort, 1397, les souverains prennent l'habitude d'aller en pèlerinage sur sa tombe avant toute grande entreprise, et le couvent de Troïtsa deviendra, au XVIIe siècle, le palladium de la nationalité russe contre les invasions polonaises. Dimitri Dudon, 1363-1389. La bataille de Koulikovo. La politique de Kalita fut habilement continuée par Simon le Superbe, 1341-1353, qui sut conserver la faveur du camp et parvint ainsi à maintenir et à étendre l'influence de la Moscovie. Un autre fils de Kalita, Ivan II le Débonnaire, fut moins habile et moins heureux. Doux et faible, le cœur moins robuste, il laisse ses voisins reprendre leur autonomie, assistent sans en profiter à leur querelle, abandonnent même à la sousdali la dignité de grand prince. Sa bénignité, et c'est la justification de la politique de ses prédécesseurs, déchaîne les vieux instincts anarchiques. Au moment où la Russie aurait besoin de toutes ses forces pour arrêter les progrès de la Lituanie et s'affranchir des Tatars énervés par leurs querelles intestines, l'abdication de la Moscovie la livre aux misères des guerres civiles. De même qu'au commencement du XIXe siècle, un sourd pressentiment attirait à la cour de Berlin les Allemands qui souffraient de la décadence de la patrie germanique, les succès des princes moscovites avaient réuni autour d'eux les boyards les plus résolus et les plus ambitieux de toutes les Russies. Séparés désormais de leur patrie primitive, sans autre espoir que le triomphe du chef qu'ils avaient choisi, ils avaient entretenu l'ambition de Calitan. Ils stimulèrent la paresse de ses successeurs et réparèrent leurs erreurs. En même temps qu'ils supprimaient les anciens restes des libertés politiques, les princes russes avaient créé une nation et une opinion politique qui, même lorsque ses guides l'abandonnèrent, ne perdit pas de vue le but qu'on lui avait montré. Ainsi, pendant que le pouvoir est exercé par un souverain incapable tel qu'Ivan II ou par un enfant, Dmitri, la tradition primitive est continuée par les chefs de l'Église, par l'abbé de Troïtsa, Saint-Serge, par l'archevêque de Novgorod, Moïse, par le métropolite, Saint-Alexis, qui persiste à demeurer à Moscou même après qu'elle a perdu son hégémonie. La Douma, ou Conseil des Boyards, dont les intérêts personnels se confondent avec ceux du pays, obtient du camp qu'il rende le titre de grand prince à Dmitri Ivanovitch. Un enfant de 10 ans reçoit la suzeraineté de toute la Russie. Triomphe éclatant pour Moscou. C'est bien elle, et non son prince, que le Yarlik établit au-dessus de toutes les autres principautés. Quelle part revient à Dmitri, même dans l'œuvre de son règne? Les récits contradictoires des chroniques ne permettent guère de le démêler. Il semble bien ne pas avoir reproduit le type ordinaire des princes moscovites, mais les circonstances, non moins que son caractère, le poussent à une politique plus hardie, plus aventureuse, plus pressée surtout. Victorieux des résistances qui lui ont longtemps opposé ses voisins de Souzdali, il veut étendre son autorité sur les États voisins, Tver surtout et Riazan. Pour se défendre, ceux-ci cherchent des alliances au dehors, et Dmitri rencontre ainsi sur sa route la Lituanie et la Horde. Aux guerres précédentes, qui étaient des guerres civiles et féodales, succèdent les guerres étrangères. C'est une période nouvelle qui s'ouvre. Par un singulier revirement et une fortune inattendue, les moscovites, qui doivent leur grandeur à l'appui des Tatars, deviennent les défenseurs de l'indépendance et de la foi orthodoxe, et leur cause se confond avec celle même de la patrie. Par là seulement s'explique que Dmitri ait pu résister à Olgerd de Lituanie et repousser victorieusement l'invasion Tatar. Après Ouzbek, la Horde d'or était devenue le théâtre de rivalités sanglantes et de révolutions interminables. Les camps, médiocres et mal obéis, avaient peu à peu laissé s'affaiblir leur prestige et contesté leurs droits. Dmitri jugea l'héritage ouvert, envoya une expédition contre Kazan, soumis aux tribus de princes tatars. Il écrasa une grande armée asiatique sur les bords de la Volga, dans le pays de Riazan, 1378. Depuis plus d'un siècle et demi, c'était la première victoire sérieuse remportée par les Russes sur les Mongols. Un long frémissement parcourut le pays. L'heure de la délivrance allait-elle enfin sonner? Mamaï, qui avait relevé l'empire du Kriptcha, comprit le péril. Toute hésitation aurait provoqué une insurrection générale. Il réunit une immense armée de Tatars, de Turcs, de Tcherkesses. Les Génois de Kaffa lui fournirent des renforts. Il avait l'alliance de Jagellon, qui voulait venger l'échec d'Olgerd. Riazan lui avait promis de se joindre à lui. Tver était hostile à Moscou. « Ne labourez pas vos terres et ne vous inquiétez pas de la récolte », avait dit Mamaï à ses soldats. « Préparez-vous à moissonner en Russie ». Ce jour-là, la nouvelle Russie conquit ses droits à l'hégémonie. Abandonnée ou trahie par la Russie occidentale et méridionale, seule en face d'une coalition redoutable, elle ne désespéra pas de la fortune. Les princes et les boyards de Souzdal, de Rostov, de Bielozersk, de Kostroma, de Mouroum, de Pskov, se rangèrent autour du défenseur de la foi. Si l'armée de Dmitri ne comptait pas les 150 000 hommes que lui prête la chronique, elle était sans aucun doute la plus considérable qu'eût depuis longtemps commandé un prince russe. Le souffle de la croisade emportait tous les cœurs, effaçait le souvenir des rancunes passées. « Chers frères, dit Dmitri à ses soldats en se mettant à leur tête, ne ménageons pas notre vie pour la foi chrétienne, les saintes églises et le pays russe. Nous sommes prêts à donner notre vie pour la foi chrétienne et pour toi, lui répondirent ses compagnons. Dieu sera ton protecteur et ton bouclier, lui avait dit saint Serge en le bénissant. Il abattra tes ennemis et t'accordera la gloire. La bataille s'engagea le 8 septembre 1380 dans la plaine de Koulikovo, le champ des Bécasses, vers l'endroit où la Nepriavda se jette dans le Don. Les Russes avaient attaqué avant d'avoir réuni toutes leurs forces, afin d'empêcher la jonction de Mamaï et de Jagellon, qui n'était plus qu'à un jour de distance. La bataille fut terrible. Elle s'étendait sur un espace de 10 verstes. Les lances se brisaient comme des épis, les flèches tombaient comme la pluie, la poussière cachait le soleil, les épées étincelaient comme des éclairs, les hommes tombaient comme l'herbe sous la faux, et le sang coulait dans les ruisseaux comme de l'eau. Les Tatars paraissaient victorieux quand un parti de cavalerie russe, que Dmitri avait dissimulé dans une forêt voisine, se précipita sur eux et arrêta leur élan. 15 princes étaient couchés sur le champ de bataille. La joie populaire salua du titre de vainqueur du Don, Donskoï, le libérateur qui avait brisé le joug mongol. Le rêve ne dura pas et le réveil fut cruel. La horde d'or était encore trop forte pour être renversée d'un premier choc. Tamerlan venait de restaurer l'empire de Genghis Khan. Un de ses protégés, Toktamish, bâtit Mamaï et réorganisa l'empire de Sarai. Avec lui accourait un nouveau banc de forces asiatiques dont l'énergie encore intacte retarda d'un siècle l'affranchissement de la Russie. Les Mongols enlevèrent Moscou par trahison, massacrèrent les habitants et brûlèrent la ville. Ce désastre arracha un cri de douleur à Dmitri. « Nos pères, s'écria-t-il, n'ont pas triomphé des Tatars, et ils furent moins malheureux que nous. » Le règne s'achevait tristement et, de nos jours encore, quelques historiens jugent avec colère ce prince dont l'ambition vaine et prématurée n'eut d'autre résultat que de rendre à la Horde un regain de vie, de rejeter Tver et Riazan dans l'alliance étrangère et d'exposer le peuple de Dieu à de nouvelles souffrances. L'expérience servit et les successeurs de Dmitri en gardèrent une sainte horreur des imprudences héroïques. Mais cet écart, quelque déboire qu'il eût entraîné, était utile. La bataille de Koulikovo avait réveillé le sentiment national. Prouver au peuple que l'œuvre des grands princes de Moscovie n'avait pas sa fin en elle-même, mais préparait l'affranchissement de la Russie tout entière. Elle avait scellé l'alliance des souverains et du peuple orthodoxe contre les renégats de Tver et de Riazan. Les derniers grands princes de Moscou. Avec Vassili Ier Ivanovitch, 1389-1425, la Moscovie reprend ses lentes et sourdes conquêtes. Toktamish l'investit des principautés de Mourom, de Souzdal et enfin de Nijni Novgorod, qui lui assure la domination du commerce du Volga. Son influence grandit à Novgorod et il décide Pskov, ce jeune frère de Novgorod, à recevoir des gouverneurs moscovites. Sous Vassili II l'Aveugle, 1425-1462, le pays est troublé par les divisions du grand prince et de ses parents. Victorieuse de ses anciens adversaires, la maison de Moscou s'arme contre elle-même, et comme en France sous Charles VII et Louis XI, la féodalité apanagée oppose un obstacle inattendu à la monarchie nouvelle. Ce fut une période dure pour le peuple, que pillaient les grandes compagnies. La lutte fut poursuivie avec une barbarie répugnante. Le peu de sens moral qui avait survécu à la domination mongole s'y oblitéra. Vassili II, fort médiocre, dut la victoire à l'opinion publique. Les boyards et le peuple comprirent les dangers qu'impliquait le seigneurat et, en se prononçant pour le principe de la primogéniture, ils sauvèrent une fois de plus la puissance de Moscou. Avec Chemiaka, le plus redoutable ennemi de Vassili II, meurt le dernier adversaire des autocrates moscovites. L'année même où la prise de Constantinople par les Turcs supprime le seul souverain qui put leur disputer la direction du monde orthodoxe. Les grands princes de Moscou n'eurent garde de compromettre les avantages que leur assurait cette situation. Au concile de Florence, le métropolite russe Isidore avait été un des promoteurs de l'union entre les églises orientales et occidentales. 1439. Quand il revint à Moscou, Vassili II, qui se défiait de ce grec qu'on lui avait imposé, exploita fort habilement l'émotion produite dans le peuple et dans le clergé par la modification de certains rites et la proclamation de la souveraineté pontificale. Isidore fut renfermé dans un cloître, et tandis que le pape nommait son ami et son auxiliaire Grégoire archevêque uniate de Kiev, un synode russe élevait au siège métropolitain de Moscou et à la primauté de toute la Russie orthodoxe Jonas de Riazan, 1447. Les grands princes avaient évité le péril où succombaient à la même heure leurs plus redoutables rivaux, les Lituaniens. Au moment où ceux-ci s'affaiblissaient par une politique imprévoyante, qui devait jeter dans les bras des moscovites les provinces de la Russie méridionale et occidentale, l'empire de la Horde se dissolvait. Parmi les états assez instables qui se formèrent de ces débris, Horde des Nogaï, Khanat de Kassimov, Khanat de Saraï ou d'Astrakhan, Khanat de Kazan, Khanat de Crimée, plusieurs furent longtemps des voisins fort incommodes. Les Tatars de Crimée continuèrent 3 siècles encore leur course dévastatrice à travers les steppes de la Russie méridionale. Mais aucun de ces états barbares ne constituait un danger sérieux et ne pouvait arrêter la marche en avant des grands princes. En attendant qu'ils étendissent la main sur une conquête déjà probable, ils laissaient se répandre le long de leurs frontières des batteurs d'estrade et des colons que poussaient vers la steppe le goût d'une vie plus libre et la passion des aventures. Ces essaims de soldats pionniers forment les premières confédérations de Kazakhs, Cosaques, Cosaques, la turbulente avant-garde de l'autocratie moscovite. La Russie à la fin du Moyen-Âge. Le XIVe et le XVe siècle ne sont pas moins importants pour l'histoire intérieure de la Moscovie que pour son histoire extérieure. Les premiers rassembleurs de la terre russe sont aussi les fondateurs du régime qui s'est maintenu jusqu'au XVIIe siècle et dont les traditions sont encore vivantes. Moscou était à l'origine le domaine personnel d'un boïar, et ses hommes formaient le noyau de la population. On n'y rencontre, par conséquent, aucune trace des institutions libres qui tiennent une si grande place dans la Russie de Kiev. Tandis que dans la plupart des autres principautés, les assemblées communales, vetché, conservent une certaine part dans l'administration et dans la justice, le pouvoir à Moscou est concentré tout entier dans les mains du prince. Quand l'extension du domaine rend impossible le gouvernement personnel, son conseil, Douma, ne se compose que des personnes qui les désignent, et la délégation de pouvoir qu'il leur confie ne leur crée aucun droit indépendant. Dans les provinces, les gouverneurs de districts et de régions, namiestniki et volosteli, sont des agents personnels et soumis. Sous un pareil régime, il ne saurait être question de caste, et la noblesse dans laquelle le souverain recrute ses conseillers et ses soldats n'a qu'un rapport fort éloigné avec la noblesse occidentale. La droujina a disparu. Les boyards et les libres serviteurs ne formeront jamais une véritable aristocratie. Sans racines profondes dans le sol, sans liens entre eux, venus un peu de tous les pays, ayant pour unique fortune les pomostillés, sorte de fiefs à la byzantine ou à la turque, qui sont la récompense de leurs services, ils ne sauraient séparer leurs intérêts de ceux du prince, dont ils forment l'armée toujours disponible. La domination tatare a si profondément affaibli les sentiments d'indépendance et de dignité individuelle que les idées de révolte ne se présentent même pas à l'esprit. Rien ne marque mieux la profondeur de la révolution qui a séparé la Russie moscovite de la Russie kievienne. Rien non plus ne traduit plus clairement la prédominance des influences asiatiques. En même temps qu'elle tente de secouer le joug des Mongols, Dmitri cherche à renouer les rapports interrompus avec l'Occident. Il entre en relation avec les Génois d'Azov ou de Kaffa, remplace les pots de martre par des monnaies d'argent ou de cuivre, achète des canons. Les Moscovites se souviennent de leurs origines européennes. et depuis lors ses tentatives pour se rapprocher de l'Occident ne s'interrompront plus. Mais il faudra des siècles pour renouer des liens plus intimes. Les Occidentaux qui arrivent dans le pays n'y retrouvent rien qui leur rappelle leur patrie d'origine. Les razzias continues des nomades, les guerres civiles, les exactions infinies arrêtent le progrès de la richesse et maintiennent la population dans une prostration résignée. Une grande partie des paysans sont des esclaves, colopis, qui ont été rachetés aux Tatars et sont devenus la propriété de leur acquéreur. Les paysans libres ne sont pas beaucoup plus heureux et des ordonnances partielles préparent l'établissement général du servage. La simplicité des mœurs touche à la barbarie. Dans certaines villes, Novgorod la Grande, Pskov, Nijni Novgorod, Moscou, le commerce est assez actif. Quelques monuments s'élèvent. Les princes construisent des églises et même des palais de pierre, mais ils dorment sur la paille et les inventaires de leur succession témoignent d'un état de civilisation rudimentaire. Les habitations des paysans sont si nues et si misérables qu'ils en ressentent à peine la ruine. Les mœurs sont brutales et grossières, les scènes ignobles d'ivrognerie et de violence continuelles. Les femmes recluses dans le terem gynécées, l'ignorance profonde. La littérature n'est représentée que par quelques plates chroniques ou des récits de pèlerinage. Les traductions des livres grecs viennent presque toutes des couvents de Latos. Seules les poésies populaires témoignent des qualités littéraires d'une race que la misère et l'oppression ont courbée sans l'épuiser. La politique religieuse des grands princes de Moscou prépara le relèvement moral de la nation en lui assurant l'héritage de Constantinople, comme leur succès militaire lui valurent la succession de la Horde. En 1462, il était encore permis de se demander ce qu'il adviendrait de leur œuvre. Menacés par les Lituaniens et les Kans, ils n'ont réussi en effet ni à soumettre Novgorod la Grande, ni même à réunir Riazan et Tver. La prudence des souverains moscovites avait mis comme de la coquetterie à dissimuler leur succès. Suzerains incontestés ou souverains directs de tous les pays qui ont échappé à la Lituanie, ils n'ont plus qu'à étendre la main sur les états dont ils ont préparé la ruine. Ivan le Grand déchirera le voile et accomplira la prophétie populaire en soumettant les princes et les peuples. Fin de la section 66.